Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. J'ai hésité à mettre la dédicace à toutes celles et ceux qui ont écrit avec moi Zélie contre les monstres de glace directement à la fin de l'histoire. Et puis je me suis dit que ça méritait un épisode spécial. Ouais, parfaitement. Parce que c'est important de vous remercier. Vous avez été des centaines à participer et plus de 250 à me laisser votre prénom. En fabriquant une histoire avec moi, vous m'avez donné une force et une patate de folie. Grâce à vous, je vis une aventure incroyable. Alors du fond du cœur, merci. Merci à Stanislas, Estelle, Nathanaël, Isidore, Marion, Chiara, Néal, Ezio, Tom, Corinne, Dario, Mathis, Dorian, Emmanuel et Christian, Maëline. Merci aussi à Ilaïs, Gabriel, Margot et Abel, Elliot, Amandine, Léna, Ethan, Ariel, Agathe, Neil, Lucas, Yuen, Elaya, Isaïe, Sinaya, Sophia, Sahar, Elliot, Romain, Martin, Aleia, Liam, Adonis, Bérénice, Eleonore, Elio, Camélia et Sinaya. Merci Edouard et Adèle, merci Jasmine, Noé, Néo, Erika, Élise, Salomé, Gladys, Raphaël, Arthur, Thomas et Julie, Théodore, Élie, Lucius, Ilan, Maë, Zoé, Eva, Thibaut, Iris, Léonard, Alexandre, Isée, Joshua, Élie et Inès, Léo, Nélia, Gauthier, Arthur et Awena, Idriss, Clara, Alaric, Quentin, Julie Arthur, Alex, Cassandra, Anna, Timothy, John, Maxence et Gabin, sans oublier Ilzayan, Meylan, Anne, Sacha et Chloé, Asma, Louis, Mila, Monique, Flora, Clémence, Olympe, Émilie, Raphaël, Sam, Eden, Zélie, Philippine, Tristan, Amaury et Malo, Rémi, Lucien, Andrea et Méa, Lorenzo, Ava et Gabriel, Anaë, Souel, Jolan, Milo et Marwan, Robin et Naël, Axel, Charlotte et Léopold, Bertrand, Naïm, Paul, Nathaël, Jules, Amel, Justin, Brieux, Maude, Garance et Margot, Alfeo, Alizé, Milo, Meila, Soleia, Rebecca, Louison, Julie, Julien, Naomi et Ethan, Laetitia, Phil, Sonia, Lynn, Linou et Liam, Louise, Jeannot, Maël, Clémentine, Tigrane, Nils, Colin, Alan, Lina, Lilou et Clé, Ilan, Quentin, Joshua et Samuel, François, Nathalie, Ors, Samuel et Théé. Il y a aussi Sven, Anouk, Arisino, Manon et Mila, Aurélie, Kimani et Nina, Théo, Ella, Alban, Thaïs, Pierre-Louis, Salomé et Gabin, Lou et Timothée, Rose, Léa, Asmin, Coraline, Diane, Juliette, Élie, Dahlia, Alice, Dimitri, Audrey, Elodie, Alice et Marius, ainsi que Victoire et Domitil, Philomène et Rosalie, Camille, Mireille, Johan, Xavier, Héloïse, Paloma et Sacha, Jean-Luc, Marion et Julie, Augustin, Inaïs et Élie, Arthur et Amélie, Inde et Abel, Enaël, Anaë et Loan, Victor, Adriel, Andrea, Ney, Gaston, Adrien, Roxane, Timothée, Mathis, Comé, Adèle, Simon, Sandrine, Hugo, Esther, Octave, Juliette et Charlotte. Merci enfin à Hortense, Maxime, Eden, Paul et Amélie, Firmin, Oscar, Gaëtan et Alban, Lace, Béatrice, Jeanne, Savinou, Inès, Gabin, Côme, Lucie, Laetitia, Nathalie, Aidan, Meissam et Naïm, Lilou, Ninon, Simon et Olivia, Valérie, Jamie, Maya et Catherine et Rolia. Ouf, ça en fait des gens à remercier. Et c'est sans compter toutes celles et ceux qui n'ont pas osé me laisser leur prénom. Encore une fois, du fond du cœur, merci d'avoir participé. J'espère que la première histoire qu'on a écrite ensemble vous a plu. Moi, j'ai trop hâte d'écrire la prochaine avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. En quelques minutes. Ce week-end, j'ai commencé à me sentir fiévreuse avec des douleurs d'estomac. Impossible de prendre rendez-vous avant lundi chez mon médecin. Du coup, j'ai utilisé Livi, L-I-V-I, pour faire une consultation médicale en vidéo. Et en quelques minutes, j'ai pu consulter un médecin qui était très à l'écoute. Il a pu me prescrire le traitement dont j'avais besoin. Ça m'a vraiment rassurée de pouvoir être prise en charge aussi rapidement. Sur Livi, consultez un médecin en vidéo pour les pathologies les plus courantes en quelques minutes depuis chez vous, 7 jours sur 7, de 7h à minuit. Livi, un médecin en quelques minutes.